FSI French Revised, Unit 1, Tape 2. Useful words. Mon frère va bien. Mon frère va bien. Mon père va. Mon père va bien. Mon fils va. Mon fils va bien. Mon mari va. Mon mari va bien. Mon enfant va. Mon enfant va bien. Mon ami va. Mon ami va bien. Il va. Il va bien. Ma sœur va bien. Ma sœur va bien. Ma mère va. Ma mère va bien. Ma fille va. Ma fille va bien. Ma femme va. Ma femme va bien. Mon ami va. Mon ami va bien. Elle va. Elle va bien. Va-t-elle au café? Va-t-elle au café? À Paris? Va-t-elle à Paris? Au restaurant? Va-t-elle au restaurant? À Lyon? Va-t-elle à Lyon? Va-t-il en classe? Va-t-il en classe? Au café? Va-t-il au café? En vacances? Va-t-il en vacances? Au restaurant? Va-t-il au restaurant? Où allez-vous? Où allez-vous? Allons-nous? Où allons-nous? Va-t-il? Où va-t-il? Va-t-elle? Où va-t-elle? Quand allez-vous à Paris? Quand allez-vous à Paris? Allons-nous à Lyon? Quand allons-nous à Lyon? Allez-vous au café? Quand allez-vous au café? Allons-nous au restaurant? Quand allons-nous au restaurant? Pourquoi va-t-elle à Lyon? Pourquoi va-t-elle à Lyon? Quand? Quand va-t-elle à Lyon? Avec qui? Avec qui va-t-elle à Lyon? À quelle heure? À quelle heure va-t-elle à Lyon? Je sais qu'il est une heure. Je sais qu'il est une heure. Qu'elle est ici. Je sais qu'elle est ici. Qu'elle va bien. Je sais qu'elle va bien. Qu'ils sont pressés. Je sais qu'ils sont pressés. Qu'elles sont pressées. Je sais qu'elles sont pressées. J'espère que c'est ici. J'espère que c'est ici. Que c'est bon. J'espère que c'est bon. Que vous avez des nouvelles. J'espère que vous avez des nouvelles. Que nous allons déjeuner. J'espère que nous allons déjeuner. Que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Lexical drills. Lexical drill A1. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Il est heureux. Il est heureux de faire votre connaissance. Mon frère est heureux. Mon frère est heureux de faire votre connaissance. Mon père est heureux. Mon père est heureux de faire votre connaissance. Ils sont heureux. Ils sont heureux de faire votre connaissance. Mon frère et ma sœur sont heureux. Mon frère et ma sœur sont heureux de faire votre connaissance. Mon ami est heureux. Mon ami est heureux de faire votre connaissance. Je suis heureux. Je suis heureux de faire votre connaissance. Lexical drill A2. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. De parler français. Je suis heureux de parler français. De déjeuner avec vous. Je suis heureux de déjeuner avec vous. De parler anglais. Je suis heureux de parler anglais. De transmettre les nouvelles. Je suis heureux de transmettre les nouvelles. De présenter mon ami. Je suis heureux de présenter mon ami. De déjeuner au restaurant. Je suis heureux de déjeuner au restaurant. De faire votre connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Lexical drill A3. Je suis heureux d'être à Paris. Je suis heureux d'être à Paris. D'aller au café. Je suis heureux d'aller au café. D'être ici. Je suis heureux d'être ici. D'écouter les nouvelles. Je suis heureux d'écouter les nouvelles. D'être avec eux. Je suis heureux d'être avec eux. D'aller à Paris. Je suis heureux d'aller à Paris. D'être en retard. Je suis heureux d'être en retard. D'écouter votre ami. Je suis heureux d'écouter votre ami. D'être près d'ici. Je suis heureux d'être près d'ici. D'aller au restaurant. Je suis heureux d'aller au restaurant. D'être au café. Je suis heureux d'être au café. D'être à Paris. Je suis heureux d'être à Paris. Lexical drill A 4. Il est à Lyon. Il est à Lyon. Vos parents sont... Vos parents sont à Lyon. Ils sont... Ils sont à Lyon. Vos sœurs sont... Vos sœurs sont à Lyon. Elles sont... Elles sont à Lyon. Mon père est... Mon père est à Lyon. Ma sœur est... Ma sœur est à Lyon. Elle est... Elle est à Lyon. Il est... Il est à Lyon. Lexical drill A 5. Il est à Lyon. Il est à Lyon. Au café. Il est au café. À Paris. Il est à Paris. En retard. Il est en retard. En vacances. Il est en vacances. Au restaurant. Il est au restaurant. Au café. Il est au café. À Lyon. Il est à Lyon. Lexical drill A 6. Sont-ils toujours en vacances? Sont-ils toujours en vacances? Sont-elles toujours? Sont-elles toujours en vacances? Est-il toujours? Est-il toujours en vacances? Est-elle toujours? Est-elle toujours en vacances? Allons-nous toujours? Allons-nous toujours en vacances? Sont-ils toujours? Sont-ils toujours en vacances? Lexical drill A 7. Sont-ils toujours à Paris? Sont-ils toujours à Paris? À Lyon? Sont-ils toujours à Lyon? Au café? Sont-ils toujours au café? Au restaurant? Sont-ils toujours au restaurant? En classe? Sont-ils toujours en classe? En vacances? Sont-ils toujours en vacances? À l'heure? Sont-ils toujours à l'heure? En retard? Sont-ils toujours en retard? À Paris? Sont-ils toujours à Paris? Lexical drill A 8. Sont-ils toujours en vacances? Sont-ils toujours en vacances? Pressés? Sont-ils toujours pressés? Heureux? Sont-ils toujours heureux? À l'heure? Sont-ils toujours à l'heure? Français? Sont-ils toujours français? Ensemble? Sont-ils toujours ensemble? Près d'ici? Sont-ils toujours près d'ici? En retard? Sont-ils toujours en retard? En vacances? Sont-ils toujours en vacances? Lexical drill A 9. Où allons-nous déjeuner? Où allons-nous déjeuner? Où va-t-elle? Où va-t-elle déjeuner? Où va-t-il? Où va-t-il déjeuner? Où allez-vous? Où allez-vous déjeuner? Où voulez-vous? Où voulez-vous déjeuner? Où allons-nous? Où allons-nous déjeuner? Lexical drill A 10. Il est à Lyon maintenant. Il est à Lyon maintenant. Il est anglais. Il est anglais maintenant. Il est français. Il est français maintenant. Il est pressé. Il est pressé maintenant. Il est en retard. Il est en retard maintenant. Il est à Paris. Il est à Paris maintenant. Il est à l'heure. Il est à l'heure maintenant. Il est heureux. Il est heureux maintenant. Il est pressé. Il est pressé maintenant. Il est à Lyon. Il est à Lyon maintenant. Lexical drill A 11. Voilà Mademoiselle Courtois. Voilà Mademoiselle Courtois. Le restaurant. Voilà le restaurant. Le café. Voilà le café. Paris. Voilà Paris. Votre frère. Voilà votre frère. Le livre. Voilà le livre. La porte. Voilà la porte. Vos parents. Voilà vos parents. Ma sœur. Voilà ma sœur. Mon ami. Voilà mon ami. Mademoiselle Courtois. Voilà Mademoiselle Courtois. Lexical drill A 12. Écoutez la phrase. Écoutez la phrase. Je ne sais pas. Je ne sais pas la phrase. Ne lisez pas. Ne lisez pas la phrase. Dites-moi. Dites-moi la phrase. Je n'entends pas. Je n'entends pas la phrase. Traduisez. Traduisez la phrase. Lisez. Lisez la phrase. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la phrase. Écoutez. Écoutez la phrase. Lexical drill A 13. C'est un bon restaurant. C'est un bon restaurant. Livre. C'est un bon livre. Café. C'est un bon café. Souvenir. C'est un bon souvenir. Frère. C'est un bon frère. Français. C'est un bon français. Restaurant. C'est un bon restaurant. Lexical drill A 14. Avez-vous des nouvelles de votre frère? Avez-vous des nouvelles de votre frère? Votre sœur? Avez-vous des nouvelles de votre sœur? Votre père? Avez-vous des nouvelles de votre père? Votre ami? Avez-vous des nouvelles de votre ami? Votre femme? Avez-vous des nouvelles de votre femme? Votre mère? Avez-vous des nouvelles de votre mère? Votre fille? Avez-vous des nouvelles de votre fille? Votre fils? Avez-vous des nouvelles de votre fils? Votre mari? Avez-vous des nouvelles de votre mari? Votre frère? Avez-vous des nouvelles de votre frère? Lexical drill A 15. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. Madame Durand. Permettez-moi de vous présenter Madame Durand. Mon fils. Permettez-moi de vous présenter mon fils. Mademoiselle Courtois. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Courtois. Mon frère. Permettez-moi de vous présenter mon frère. Mon ami. Permettez-moi de vous présenter mon ami. Ma sœur. Permettez-moi de vous présenter ma sœur. Monsieur Lelong. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Lelong. Lexical drill A 16. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas où elles sont. Où il va? Je ne sais pas où il va. Où vous allez? Je ne sais pas où vous allez. Où il est? Je ne sais pas où il est. Où il va? Je ne sais pas où il va. Où nous allons? Je ne sais pas où nous allons. Où elles sont? Je ne sais pas où elles sont. Où elle est? Je ne sais pas où elle est. Où elles sont? Je ne sais pas où elles sont. This is the end of tape 2, unit 1.